Bonjour, monsieur le marchand de chemise. Je voudrais une chemise couleur lilas. Si ça vous dérange pas trop. Je dis ce matin en me levant, je vais m'acheter une chemise couleur lilas. Oui, monsieur, je vais vous donner ça tout de suite. Voilà, monsieur, nous avons deux couleurs lilas. Alors, ceci est tout à fait printanière. Oui, c'est un rose bombe qui sera très très chic avec vous. Il y a une cravate un peu sombre, des boutons de manchette, imitation platine. Vous serez très très chic, monsieur, avec ça. Ça va vous plaire, tout à fait. C'est tout à fait pour vous, cette chemise. Oui, mais c'est la couleur. Je voudrais lila. Alors celle-ci, couleur alors, tout à fait violette, n'est-ce pas ? Violette, alors automne, oui, c'est le lilas, vous voyez, qui pâlit, tout à fait, qui devient sombre. Alors là, vous avez vraiment le beau lilas, tout à fait le lilas qu'il vous faut pour monsieur, n'est-ce pas ? C'est la couleur qui va pas. Moi, je voudrais lila. Voilà, ici, il y a le haut est en violet et le pantchemise est en mauve. Vous avez le lilas, vous avez deux lilas, vous avez neuf chemises, toutes les couleurs du lilas qui vous font. Vous êtes content? J'aime pas vouloir vous énerver. Parce que moi, je voudrais couleur lilas. Vous me faites peur comme vendeur. Je voudrais lilas. Mais machin. Là. Vous avez 17 chemises, monsieur. Vous avez toutes les couleurs. Du rose bonbon, du mauve, du violet, du vert, feuille verte. Le lilas, c'est vert, les feuilles sont vertes, les fleurs sont violettes. Pourquoi vous énervez? Tout ça parce que je vous demande une chemise couleur lilas. Laquelle que vous... Montrez-moi laquelle. Celle qui est en vitrine. Les lilas? Oui. Ben, elle est blanche. Et alors? Vous avez jamais vu du lilas blanc?